amma lu jëm ci li nga xam moom mooy atal tamr bi te mu tudd taxina ci ay bouteille yu ndaw la nekkoon mais bouteille yooyu dafa diis ma daal di koy sotti ci li nga xam moom mooy ñeenti bidon wala juróomi bidon suma juumul juróomi bidon ñeenti bidon 2 litres ak benn bidon bu mag benn bidon beneen bu ndaw léegi loolu noonu total bi yépp après ay 52 millions la ma dikkee. Boo calculer da lay dikkee 100 grammes yu nekk 400 francs CFA nga la ñu dikkee 100 grammes bu nekk 400 francs CFA. Léegi yow yaay xool après boo koy détaillé ak ni nga koy charger waatee ak affaire demee noonu lan nga ko mën a jaayee. Parce que 100 grammes yooyu peut être xëy na mën na jar ba 1000 francs affaire demee noonu parce que dafa bëri fawaay xam naa peut être di nga ko lire ci kii bi ci mooy étiquette bi ci nekk noonu. Mais aussi soo amee jot da ngay dugg net nga xool par rapport ak seen i fawaid ak yu demee noonu. Xam naa ci leen moom dafa baax trop ci xale yi nga xamante ne duñu lekk da leen di may appétit rapidement ak aussi dafa baax ci dret ñi nga xam dañoo am anémie ak affaire yu demee noonu. Yaani man ak mbokk yi fii ak suñu waa kër yi yëpp tëj kii nañ ko essayé nañ ko ba nga xamante ne ñi si doon am ay anémie di dem di faju fii affaire yu demee noonu duñ ko tàmbalee jël tuuti après dafa mel ni sax dañoo fàtte ne am nañ anémie. Barakallahu fik asalallahu lakum alxayr.